gars qui se déroule aujourd'hui. C'est une histoire tragique, même pas finie. C'est un petit gars qui coupe les chines. C'est un petit gars qui coupe les chines tous les jours à l'usine. C'est une histoire qui bien sûr commence mal. C'est une histoire qui bien sûr finit mal. Tonio Braquet est ouvrier. Tonio Braquet est ouvrier dans une usine de jouets. Tonio Braquet Story et toutes ses avaries. Tonio Braquet Story. Bang bang, vous êtes fini. Un jour viendra où l'usine sera fermée. Un jour venu c'est délocalisé. Les fonds de pension ont décidé. Les fonds de pension ont décidé. Quand Chine et je seront faits. Comment nourrir ses enfants sans travail. Tonio Braquet doit bosser by cheval. Contrat aidé, emploi précaire. Contrat aidé, emploi précaire. Les ennuis judiciaires. Tonio Braquet Story et toute sa varie. Tonio Braquet Story. Bang bang, c'est fini. Braquer de la bouffe dans un supermarché. Braquer de la bouffe, c'est pas le crime de l'année. Tonio Braquet tabassé. Tonio Braquet tabassé par la sécurité. Tonio Braquet voudrait gagner les rondes. Il est la cam, ça rapporte du pognon. Trafic de substances illicites. Trafic de substances illicites. Les rencontres insolites. Tonio Braquet Story. Bang bang, c'est fini. Une nouvelle caisse et les bouffons resto. Pour ces gamins maintenant rien n'est trop beau. Nouveau vélo, barba papa. Nouveau vélo, barba papa. Des jouets made in China. Un jour Tonio est jeté en prison. Un jour Tonio a dû se faire une raison. À sa sortie une balle perdue. Sa sortie une balle perdue. Tonio meurt dans la rue. Tonio Braquet Story et toutes ses avaries.